Que le Seigneur bénisse chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bwana Mungu abariki kila ndugu na kila dada mu jina ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Nous saluons en même temps nos frères et nos sœurs qui nous suivent à travers le net. Tunasalimia pia bandugu na badada wale wanatufuata mu njia ya internet. Nous reprenons l'écriture que nous avons lue hier, c'est Ésaïe 53. Nous nous levons. Tout à si mama na kusoma andiko tulisoma jana ni ya Isaïe sura 54. Je vais prier. Kwanza mtaomba. Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo wote, toi qui es notre père et notre sauveur. Wendie baba yetu na mokozi wetu. Nous voici rassemblés cet après-midi encore. Shiava tena tunakusanyika magharibi ya leo pour l'unique cause qui est le salut. Juu ya sababu moja yenye kwa tuokovu. Nous ne voulons pas que le salut soit un slogan. Atupende okovu ikuwe misemo ya bule. Ou un long enseignement. Wala ikuwe mafundisho mrefu. Mais le salut est une réalité. Lakini okovu ni mambo ya kweli. Le nouveau cœur et le nouvel esprit, ce sont des réalités. Moyo mupya na roho mupya ni mambo ya kweli. Parce que toi-même Dieu, tu es une réalité. Kwani wewe mwenyewe Mungu uko mambo ya kweli. Et toute ta créature est une réalité. Na biumbe vyako vyote ni mambo ya uhakika. Rends-nous participants aux réalités divines. Les études ne peuvent pas amener quelqu'un à une telle réalité. Même l'argent ne peut pas. Même le mariage ne peut pas. Mais ce qui est possible, c'est seulement toi, Dieu, qui peux le faire. Alors, fais-nous grâce encore cet après-midi. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. Parce que nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Et c'est selon ta promesse. Amen. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Que Dieu bénisse la portion de l'Écriture. Nous hier, nous étions occupés à démontrer une chose. Jana tuliangaikia juu ya kuonesha kitu mwa fulani. En faisant allusion aux multiples passages des serviteurs de Dieu. Mukuangalia mumakupita mingi ya watumishi ya Mungu ya kuachana. Nous disions ceci. Tulikuwa nasema hivi. Que à chaque passage d'un homme de Dieu, un ministre de Dieu. Ya kwamba kila wakati mtumishi wa Mungu yuko napita hapa. Faites tout votre effort mufanye nguvu yenu yote pour néanmoins dans votre foi ajouter une petite brique. Jua muimani yenu mupate kuongeza ako kakitu kamoja. Parce que quand un serviteur de Dieu est de passage, kwani wakati mtumishi wa Mungu anapita, de loin ou de près, wa karibu wala wa mbali, Dieu voudrait ajouter quelque chose à une sœur ou à un frère quelque part. Mungu anapenda kuongeza kakitu kamoja kwa nduku moja wala kwa dada moja. C'est ainsi que j'ai illustré cela en disant ceci. Jokomana nalisema na kuchukua mfano. Pour celui ou celle qui était colérique, waule alikuwa kasirani. Quand le Saint-Esprit vient marteler sur cette chose-là, wakati Roho Mtakatifu inakuwa kusemea yule ile mambo, c'est une occasion favorable pour toi de comprendre que Dieu ne veut pas de ta colère, ma sœur ou mon frère. Jo bati kwako yawe kuelewa ya kwamba Mungu ashipende kasirani yako wewe ndugu wala dada. J'ai parlé de la négligence. Narisema yule ya kusula. Quand le Saint-Esprit attaque cela, wakati Roho Mtakatifu inaisemea, c'est une occasion pour toi. Ni bati kwako de comprendre que uelewe ya kwamba cette chose ici iki kitu peut me faire rater l'enlèvement kinawezi kunikosesha kunyanyuliwa. Et un homme ou une femme mwanaume wala mwanamke à qui Dieu révèle cela ule Mungu anamfunulia ne restera pas le même hawezi kubakia yule yule hapana. Et même quand la question est posée hata kama wakiuliza qui a reconnu le bras de l'Éternel ni nani ule alitambua mkono ya waminene cette question on l'adresse à la personne qui a vu que ça c'est le secours divin pour moi. Iulizo inamwelekea kwa ule mtu anaona ya kwamba hii ni msaada kwangu. C'est le frère ou la sœur. Ni nduku wala dada. Qui était colérique? Ule alikuwa wakasirani. Adultère? Musharati? Négligent dans les choses de Dieu? Wakusula vitu ya Mungu. Il peut dire. Anawezi kusema. Depuis le passage de l'homme de Dieu tel. Tangia tu mtumishi wa Mungu fulani alipita. Moi j'ai vu la main de Dieu. Mie naliona mkono wa Mungu. Moi j'ai reconnu le bras de l'Éternel. Mie mina tambua mkono ya wa milele. C'est depuis le passage de tel serviteur de Dieu. Nitangia tu mtumishi wa Mungu fulani alipitaka. Que moi j'ai cru véritablement. Jo pale mimi naliamini kweli kweli. Et même quand on aura posé la question de savoir. Hata wakati ile watauliza ulizo. Qui a cru à notre prédication? Ni nani uliamini kumahubiri yetu? Le frère ou la sœur qui avait cru véritablement. Duku wala dada uliamini kweli kweli. Levera la main dira. Moi, j'ai cru. Atanyosha mkono na kusema mimi naliamini. Lors de telle prédication. Wakati ya mahubiri fulani. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nani ulitambua mkono ya wa milele? La sœur qui était colérique. Dada ule alikuwa wakasirani. Le frère qui était adultère. Duku ule alikuwa musharati. Dira. Atasema. Moi, j'ai reconnu. Mie mina tambua mkono ya wa milele. J'ai reconnu ce que le Saint-Esprit est en train de faire pour moi. Mina tambua kile Roho Mtakatifu inanifania. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu ambariki. J'ai évolué en disant. Naliendelea na kusema tena hivi. Cette écriture d'Ésaïe 1. Hii andiko ya Isaïe 1. Particulièrement. Kwa upekee. Parle de la venue du Seigneur Jésus. Inasemea yule ya kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Comme rédempteur promis. Sawa mkombozi ule wa ritulaka. Et je fais voir ceci. Nalionekanisha hii. Regardez. Tazameni. Avant la venue du Seigneur Jésus. Mbele ya kuja kwa Bwana Yesu. Tout l'Ancien Testament. Agano lote la kale. Tous les prophètes qui se sont succédés. Manabii wote wale walikombolana. Pointaient la venue de cet homme-là. Walikuwa na shonta kuja kwa ule mtu. Et tous affirmaient une seule chose. Wote walikuwa na kikisha kitu kimoja. Que quand celui-là viendra. Ya kwamba wakati ule pale atakuja. Finira la servitude. Atamali tous les captifs, bafunga bote, tous les prisonniers, bafunga bote, tous les cœurs brisés, mio yenye kufunjika yote, tous ceux qui avaient des cœurs troublés, wale walikuwa na moyo wa kufadhaika, tous ceux qui étaient aveugles, wale walikuwa vipofu, tous ceux qui avaient tel problème, wale walikuwa na mambo fulani, finiront, wataishia, cet enchaînement de Satan. Manake ile mnyororo ya shetani itamalizika. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Et réellement, na hakika, lors de la présence du Seigneur Jésus-Christ sur la terre en tant qu'homme, wakati ya uwepo wa Yesu Kristo pa dunia sawa mutu, ceux qui ont reconnu Jésus vale, comme étant le Messie, le Rédempteur promis, pale walimtambua Yesu sawa Masia mkombozi ule walilaka, ont tiré profit, walifaidia de cela, walipata faida kwa ajili yake. Quiconque rencontrait Jésus et l'ayant reconnu comme étant celui qui avait été annoncé et promis, frère, il n'y a pas eu un seul homme, il n'y a pas eu une seule femme en son temps qui a rencontré Jésus et l'ayant reconnu comme étant le Messie et qui soit resté le même. Que le Seigneur bénisse. Prenez le cas de la femme samaritaine. Cette femme-là était d'une très mauvaise vie. Elle est sortie, alitoka, comme d'ordinaire, elle est allée au puits. Sawa kwa kawaida, jua kwenda kushota mai. Et c'était son jour. Na ilikuwa ni siku yake. Le Seigneur, Bwana, par un petit entretien, mkuongea naye kidogo, La femme parlera en disant ceci. Je sais que le Messie viendra. On peut lire ça, Jean 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Prenez le verset 25. La femme lui dit, mwanamke akamwambia, je sais que le Messie doit venir. Ninajua kwamba Masia anapasha kuja. Celui qu'on appelle Christ. Ule wanaita Kristo. Quand il sera venu, wakati ya atakuya, il nous annoncera toutes choses. Atatutangazia mambo yote. C'est-à-dire, le Messie, manake Masia, quand tu le reçois, quand tu reçois Jésus véritablement, wakati ukimpokea Yesu kweli kweli, sœur, frère, nduku na dada, tu dois être éclairé sur toutes choses. Unapashi kuangaziwa mambo yote. Dans ta vie, mu maisha yako, dans ta maison, mu nyumba yako, dans tes affaires, mu ma, dans toute ta yako, wala munamuna kuchongoza yako yote. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu aimbariki. Lui nous dira ce qu'il faut faire dans la vie. Yeye ule atatuambia ni nini ya sisi kufanya maisha. Annoncer toutes choses. Utangaza vitu vyote manake. Tu sauras. Utajua. Le véritable Dieu. Mungu wa kweli. Comment adorer? Namna kani ya kuabudu? Comment se conduire dans la voie du salut? Namna kani ya kuchongoza munjia ya wokovu? C'est-à-dire tu ne seras pas le même. Manake hautakuwa yule yule. Et regardez. Tazameni. Ce qui m'a plu dans ce récit. Ile ilinipendeza muhimu mstari. Regardez comment elle a parlé. Tazameni namna kani alisema mwanamke. Le verset 10. Musare akumi. Jésus lui répondit. Yesu akamujibu. Si tu connaissais les dons de Dieu. Kama ungejua zawadi ya Mungu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Na ni nani ule anakuambia unipatie maji ya kunywa. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Wewe mwenyewe ndio ungemuomba maji ya kunywa. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Na angekupatia maji ya uzima. Regardez maintenant la réaction de la femme. Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Donc, toi que je rencontre ici, tu es plus grand qu'Abraham, que Noé, que tous les prophètes. C'est-à-dire, manake, quiconque te rencontre toi, ye yote anakutanishana na weye, toi, tu es plus grand que même tous les prédicateurs. Manake wewe unashindia hata baubiri bote. Tous les pasteurs. Ba pastori bote. Autrement ça veut dire quoi? Namna ingine akusema ni nini? Te rencontrer toi Jésus, kutanishana na we Yesu, c'est plus que tous les serviteurs de Dieu. Inashindia batumishi ya Mungu bote. Regardez. Tazameni. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Eti wewe huku mkubwa kumshindia baba yetu Yakobo, ule alitupatia ikishima. Mena, ce qui continue, le verset 13. Jésus lui répondit. Yesu akamujibu. Quiconque boit de cet eau, yeyote ule atakunywa kwa maji, aura encore soif. Atakuwa tena na kiu. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, alakini ule atakunywa maji ile nitampatia, n'aura jamais soif. Awezi kamwe kupata kiu. Et l'eau que je lui donnerai, na maji ile nitampatia, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité, dans la vie éternelle. Itakuwa chemchemu ya maji ile tafuya kufika na kubushima milele. Frère, la femme lui dit, mwanamke akamwambia, Seigneur, Bwana, donne-moi de cette eau-là. Unipatie kumbi hii maji. Parce que Toi qui es plus grand qu'Abraham et tous les prophètes et tous les prédicateurs. Donne-moi de cette eau-là. Cette eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle conduit jusque dans l'éternité. Frères et sœurs, quand quelqu'un rencontre Jésus véritablement, il n'y a qu'une seule soif qui est suscitée en lui. C'est d'avoir des choses qui amènent dans l'éternité. Des expériences éternelles. Une nature seulement qui vient de l'éternité. De goût éternel. C'est tout ce qu'il y a dans cet homme-là. Donne-moi de cet eau-là. De sorte que je ne puisse pas me contenter de revenir encore à ce puits. Quand quelqu'un rencontre Jésus-Christ, il ne se contentera pas seulement d'être membre du Kambov Tabernacle. Il ne s'arrêtera pas tout simplement à être vu et connu. Jésus-Christ dans cet homme ou dans cette femme suscite une soif et une faim pour des choses éternelles. Si cela n'est pas une soif en toi jusque ce soir, c'est compliqué, je te dis. Et quand Jésus vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, nous le rappelons même pour ceux qui ont pris l'engagement dimanche. Jésus vient dans la vie d'un homme, hein? Donne même le discernement, le bon sens. Il éclaire l'homme ou la femme dans toutes les choses de la vie. Que le Seigneur bénisse. Écoutez, je l'ai dit hier. En lisant Luc 4. Prenez Luc 4. Luc 4, 18. Luca, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Roya buana, iko yulu yangu. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Wani arimpaka mafuta jua kutangaza habari njema kwa masikini. Ah, très bien. Mzuri. Donc, tout homme, toute femme, spirituellement pauvre, quand il rencontre Jésus, c'est la fin de sa pauvreté. Je ne dis pas qu'on aura tous beaucoup d'argent, non. La bonne nouvelle, c'est que rencontrer Jésus, manakini, toi Yesu, qui étais pauvre spirituellement, tu deviens riche. Pauvre comment? Tu n'avais aucune expérience divine. Tu ne connaissais pas le vrai Dieu. Tu n'avais aucun don spirituel. Tu n'avais aucun bon refuge. Tu n'avais pas un bon conseiller. Tu étais pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui manque de tout. Il a maintenant quelqu'un en qui se confier. Il a un appui. Il reçoit de la part du Seigneur des choses qu'il n'avait pas. Les pauvres spirituellement. C'est-à-dire, frère, Tu n'avais pas ce que Jésus apporte. Tu manquais de tout. Et maintenant quand Jésus vient, c'est la fin. Finis ta pauvreté. Tu manquais de ceci. Lui vient donner. Tu manquais de cela. Lui vient donner. C'est ça le salut véritablement. Continuons. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire, un homme ou une femme avec un cœur plein d'inquiétude, le souci de la vie, que sera mon avenir? Que sera mon sort? C'est tout plaintif ou toute plaintive. Frères et sœurs, nduku na dada, miaka inachofa. Oh, les années avancent. Mishiyue, je ne sais pas. Bitakuya je. Ça sera comment? Des gens qui ont des cœurs troublés. Cœur brisé. Dans mon mariage. Frère. Mirikotolaka vraiment mon kuchaku. J'avais vraiment commis l'erreur en choisissant. Mirikotolaka vraiment mukowa ou mkuitika ou frère. J'avais commis l'erreur en acceptant ces frères ou en épousant cette femme. Quand Jésus vient dans ta vie. Wakati Yesu anakuja maisha yako. Le cœur brisé doit être guéri. Il n'a pas su pona kutunzwa. Examine toi toi-même. Mon salut ressemble à quoi? Okofu yangu inafanana na nini? Christ pour lequel j'ai été baptisé. Christ mwenye juu yake walinibatiza. Lui arrive-t-il de laisser les gens avec le cœur brisé? Et kuna mufikia ache bantu na mioyo ya kufunjika. Non, ce n'est pas le sale salut. Apana, il a une joie au fou. La parole est apportée d'Ada Nanduku. Neno la mungu est prêché, mon frère et ma soeur. C'est pour que tu t'arrêtes, que tu vérifies vraiment ton salut. Ni tu pate kusimama na kuchunguza okofu yako. Quand Jésus vient dans la vie d'un homme, wakati Yesu akifika maisha ya mtu, dans la vie d'une femme, maisha ya mwanamke, même quand tu avais trop de soucis, quand tu avais trop de problèmes, hata kama ulikuwa na mangaiko mingi na mambo mingi, c'est la fin de tes ennuis. Ndio mwisho ya mangaiko yako. Je ne dis pas qu'il vient déjà trouver des solutions à tes problèmes, non. Nisiseme ya kwamba anakuwa pale la paix qu'il apporte dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Mimi nasema kwamba salama analeta mumoyo wa mtu. Est tellement durable ya nguvu sana, ya par rapport aux soucis que tu avais, ya kushindia par rapport aux préoccupations que tu as, des troubles que tu avais, ya kushindia mfuruko ile ulikuwa nayo, par rapport au cœur brisé que tu avais, ya kushindia moyo ya kufunika. La paix de Jésus, salama ya Yesu, et au-delà de tout ça, inashindia ile, elle guérit tout tes maux, ikuna ponya maumivu yote. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu anibariki. Guérir le cœur brisé. Uponya moyo ya kuvunjika. Une bonne nouvelle pour les pauvres. Habari njema kwa maskini. C'est-à-dire fini la pauvreté. Manake kuna malizika umaskini. Nous devenons des hommes et des femmes riches complètement. Tunakuwa na mke na wanaume wenye kuwa tajiri kabisa. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu anibariki. On continue. Tunaendelee. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Frère, ces choses nous ne les lisons pas pour donner la connaissance aux gens, non. C'est pour que chaque frère et chaque soeur, quand on vérifie ici, 99,99 je crois, tous ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Qu'ils sont sauvés. Non, ça veut dire qu'ils sont sauvés. Parce que le baptême est pour ceux qui sont sauvés. Maintenant, écoute le véritable salut. Quand il vient dans ta vie, toute captivité, finit la captivité. La captivité doit cesser. Nous te donnons l'occasion, toi-même, de t'arrêter et de tirer la conclusion que tu vérifies, que tu te dises comment je suis encore esclave comme ça. Comment je suis encore captif dans cette chose ici? Moi qui suis sauvé, comment dois-je demeurer dans la captivité? Comment dois-je garder toujours l'ancien langage? Les vieilles habitudes. Que le Seigneur bénisse. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ici, ce ne sont pas des aveugles, ce ne sont pas des aveugles qui ont perdu leur vue physique. C'est-à-dire, c'est un homme qui ne sait pas distinguer le bien et le mal dans la vie. C'est un aveugle. Ule ni kipofu. Quand vous voyez un homme qui courtise sa belle-sœur, tu ne comprends rien, tu n'as aucun discernement, le bon sens te manque, tu es un aveugle. Maintenant, tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça signifie que tu es sauvé. Regarde quand le salut vient chez un homme. L'homme voit clair. Il est éclairé. Quand le salut entre dans un homme, finit l'aveuglement. Tu as maintenant un bon discernement de la vie. Tu comprends même du fin fond de ton cœur que le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui donne le mariage, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui donne des enfants, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui donne la bénédiction, qui bénit les gens, c'est le Seigneur Jésus. Mais quand tu t'agites, on comprend tout simplement que tu n'as pas le véritable Christ, le véritable Sauveur. Les sauvés, les hommes rachetés sont tranquilles. Les véritables filles sauvées, elles sont tranquilles. Elles savent que il y a un homme que Dieu a destiné pour moi. Il viendra comment? Je ne sais pas. Mais la puissance du Très-Haut entrera en scène et l'amènera devant moi. Je ne peux pas m'agiter. Un homme sauvé, une femme sauvée. Même quand il est dans un couple où les choses se compliquent, il sait que celui qui m'a sauvé connaît toutes choses. Et quand je me mets à genoux, mes supplications doivent lui parvenir. La puissance du Très-Haut entrera en scène pour régler ce problème. Ce sont des hommes et des femmes posés. Ils savent sur quoi ils se tiennent. Ils ont un bon discernement. Ils comprennent que cette vie sur la terre ne consiste pas à trop amasser des choses. Nous vivons dans le contentement. Ce que le Seigneur m'a donné, je le remercie pour ça. Si je n'ai pas, je ne peux pas m'agiter. Je ne peux pas sacrifier la parole parce que Dieu ne m'a pas donné ça. Je dois courir dans tous les sens. Non. sont des hommes et des femmes. Ils ont l'œil ouvert. Ils comprennent maintenant que la vie, ce n'est pas tout ça. La vie, c'est s'attendre au Seigneur et avancer, préparer l'au-delà. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu embariki. Pour renvoyer libre les opprimés. Jua kupeleka uhuru benye kusongwa benye kuteseka. Les gens qui étaient sous l'oppression de Satan. Batu bale barikuwa benye kusongwa na shetani. Satan exerçait une forte pression sur eux. Shetani alikuwa na basonga kabisa. Kai! Eux sont, quand ils expérimentent les saluts. Wakati wanaonja wokovu. Frère. Ndugu. La fin de la pression de Satan, c'est sa fin aujourd'hui. Satan ne peut pas me commander. Shetani hawezi tena kuniongoza. Satan ne peut pas exercer une pression sur moi. Hajezi kama kunisonga pana. Satan n'a aucun droit sur moi. Ils ne comprennent de la bonne manière qu'eux appartiennent à Jésus-Christ. Lui seul peut exercer une pression sur moi. Une pression de vivre la parole. Pas toute autre pression ici. Je ne céderai pas. Comprends ça. Les opprimés sont des esclaves. Ils vivent selon que Satan décide. Ce sont des hommes et des femmes qui souffrent. Ils se disent quand est-ce que finira cette chose ici. Je ne sais pas comment me débarrasser de la cigarette. Je ne sais pas comment me débarrasser de la bière. Mais quand le salut vient, finit la souffrance à laquelle j'étais soumise. Que le Seigneur bénisse. Et toutes ces paroles, Jésus les déclarait avant qu'il ne devienne un sacrifice, une victime pour nous. Et regardez du temps où Jésus était encore un homme tout fait. Avant l'expiation, avant Golgotha. Quiconque était lié et qui ne rencontrait Jésus-Christ, c'était la fin des liens. Quiconque était retenu par Satan, c'était la fin de ses souffrances. Tous les quatre évangiles sont plein d'exemples. Ça c'était avant l'expiation. Et regardez même la femme samaritaine par là où nous avions commencé. Quand elle allait publier, elle disait, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est-à-dire, elle était consciente qu'elle ne pouvait plus rentrer dans son ancienne vie. Qui m'a révélé tout ce que j'ai fait dans ma vie. Quand Jésus vient dans ta vie, il te donne la capacité de regarder ton ancienne vie et de te tenir la tête et te dire comment est-ce que je vivais comme ça. C'est ça le salut. Comme le même Jésus qui ne change pas. C'est la femme samaritaine. Elle a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Toute la méconduite dans laquelle j'étais plongé. Et le même Jésus qui vient dans ton cœur, il fera la même chose. Tu sais t'arrêter et regarder dans la voie dans laquelle tu étais passé. Pourquoi? Tu as maintenant le discernement. Tu te dis, comment est-ce que c'était possible que je fasse des choses? Comment est-ce que c'était possible que je me comporte comme ça? Ezekiel 36. Ezekiel sura makumi tatu na sita. Ezekiel 36. Ezekiel sura makumi tatu na sita. Regardez quand le salut entre dans un homme ou dans une femme. Verset 31. Alors, vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Mutakumbuka kujiongoza kwenu kule kulikuwa kubaya. Et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Na ya matendo yenu haikuwa mzuri. Vous prendrez vous-même en dégoût. Mwe wenyewe mutalichukia. Vous serez dégoûté. Mutachukia ile maisha. Vous allez dire, mais comment est-ce que je pouvais vivre comme ça? Utasema, namna kani ilifika tu mimi. Tu as besoin. Unahitaji. De refaire la vie, mais c'est trop tard. Wanzulule maisha lakini isha kwa nyuma. Tu es dégoûté. Utaichukia. Maintenant, quel est ce salut, frère? Qui entre dans un homme? Il est kunengia ndani ya mwanaume. Il rentre dans l'ancienne conduite. Na anarudia paka mwile maisha zamani. Dans les anciennes actions. Mubitendo vya zamani, frère. Nduku. Vérifiez bien votre salut. Uchunguze mzuri okofu yako. Moi je ne peux pas te dire ce que tu es. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Mais que chacun s'arrête. Quiconque est sauvé. Cette écriture en toi doit avoir son accomplissement. Vous prendrez en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. On a quoi dégoûté tellement. Tu ne veux même pas y jeter encore un regard. Tu ne veux même pas qu'on en parle. Tu ne veux pas. Que le Seigneur bénisse. Pourquoi cela? Dieu a nini ile? Parce que toi, wani wewe, tu as reconnu le bras de l'Éternel. Ulitambua njia wa milele. Parce que toi, wani weye, tu as cru à ce qui avait été annoncé. Uriamini kuile walitangaza. Quiconque a cru, yeyote ulariamini, quiconque a reconnu le bras de l'Éternel, yeyote ulartambua mkono wa milele, il y a un dégoût qui se produit en lui. Kuku kuchukia kwa ile maisha alikuwa nayo italamuka ndani ya moyo wake. Ce n'est pas le pasteur qui doit te dire non, sois dégoûté de ton ancienne vie. Aina frère, regrette ton ancienne vie. Aina pasteur atakwambia, ça c'est de la pédagogie qu'on fait à l'école. Aina pasteur atakwambia uchukie maisha kwa zamani. Ile hapana, ile ni majifunzo kwa masomo. Unakuwa na bunya, voilà le terme. Bunya bunakubamba. Tu auras la répugnance de ta mauvaise vie. Ce n'est pas au diacre de te dire ça. Aina shemashi atakwambia. Ce n'est pas au pasteur qui doit de te dire ça. Aina pastori atakwambia ile. Hapana. C'est là aussitôt que le salut est entré. Nikisha tu okofu kuingia. Le dégoût, le bunya, bunya prend naissance. Ah, la répugnance naît dans ton cœur. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu aimbariki. Nous avons intérêt. Tunakuwa na faida, tuko na faida. À cause de cette grande lumière que nous avons reçue. Kwa ajili ya nuru munene tulipokea. Maana chacun doit être responsable. Asa kila mmoja wetu anapaswa kuwa na bushito kwa maisha yake. On ne doit pas te suivre. Atuwezi kukufuata pour te dire ceci cela. Tu akwambia hiki na kile hapana. Le salut est un enseignant. Ni mwalimu yeye mwenyewe. Tite chapitre 2. Tito sura 2. Tite chapitre 2. Tito sura 2. Tite chapitre 2 verset 11. Tito sura 2 mstari wa 11. Kwani la grâce de Dieu, neema ya Mungu, source de salut pour tous les hommes. Chemchemu ya wokovu kwa bantu bote. La grâce a été manifestée. Neema ilionekana. Et Notre présence ici, uepo wetu hapa, cela veut dire, maana yake ni, ou la présence de chacun signifie, uepo wa kila mtu maana yake ni, que tu as reconnu la grâce de Dieu, ni ya kwamba ulitambua neema ya Mungu, tu as reconnu le bras de l'Éternel, ulitambua mkono ya wa milele, tu montres que, unaonesha ya kwamba, tu as trouvé grâce devant Dieu, unapata neema mbele ya Mungu. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette grâce? Asa hii neema iko nafanya nini? Elle nous enseigne. Iko natufundisha. On est ensemble? Tunapata. La grâce, neema, est un enseignant. Ni mwalimu. Elle enseigne à chaque frère et à chaque sœur. Iko namufundisha kila ndugu na kila dada. À renoncer. Apate kukatala. À l'impiété. Muovu. À renoncer apate ukatala aux abominations makufuru dans lesquelles on a vécu mule turishi. Ça c'est la grâce qui fait cette œuvre, ce travail là dans chacun de nous. Ni neema ile kunafanya ikazi ndani ya kila mmoja wetu. Au convoitisme mondain na ukatala matamaa ya dunia et à vivre dans le siècle présent na kuishi mkizazi kipya hiki selon Dieu. Kufuatana na Mungu, mapenzi ya Mungu. Ce siècle mauvais, cet âge mauvais. Ikizazi kibaya. Mais celui qui a trouvé grâce devant Dieu. Lakini yule anapata neema mbele ya Mungu. La grâce elle-même dans cet homme ou dans cette femme. Neema yenyewe ndani ya mwanaume na mwanamke. Lui apprend. Iko namfundisha. Que c'est un âge mauvais. Ya kwamba hii ni kizazi mbaya. Que l'enlèvement. Ya kwamba kunyanyuliwa. Sera soudain. Itakuwa kwa ghafla. Na yasi. Et la grâce lui dit. Na neema na mwambia. Que faut-il faire? Inapaswa fanye nini? Vivre selon Dieu. Oui. Dépendez de Dieu en toutes choses. Maisha yako yote muangalie paka Mungu. La grâce fait ça. Neema inafanya vile. Et la grâce. Na neema. Apprend cet homme. Yuko nafundisha kwa huyu mtu. Que le véritable Dieu. Ya kwamba Mungu wa kweli. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. C'est lui la victime expiatoire. Yeye ndio sadaka ya ondoleo ya dhambi. C'est lui la victime propitiatoire. Zabihu ya ondoleo ya dhambi. Verset 14. Mstari wa 14. Il s'est donné lui-même pour nous. Alijitoa yeye mwenyewe kwa ajili yetu. Ça c'est la grâce qui doit enseigner. Ni neema ndio inapaswa kufundisha vile. Il s'est donné comme victime pour toi et pour moi. Afin de nous racheter de toute iniquité. De nous libérer. Donc, quiconque a reconnu le bras de l'Éternel, il est libéré. De toute impiété. Il est complètement délié de l'ancienne vie. Et comment yeye kufunguliwa kabisa kabisa na maisha mbaya. Complètement délié. Anafunguliwa kabisa kabisa. Du tribalisme. Na kikabila. De tout. Na de toute méchanceté. Anafunguliwa na ukaidi yote. La parole est apportée. Neno la Mungu inahubiriwa. Pour te guérir. Jua kukuponya kukutunza. Pour te dire. Jua kuambia. Secoue-toi un peu. Ujitikize kwanza. Le salut. Wokovu. Ce n'est pas comme tu te contentes, tu croises les bras là-bas. Aina vile unafurahikia tu nakuikala bila kufanya kitu. Hapana. Le salut. Wokovu. Libère un homme. Iko nafungula mtu. Libère une femme complètement. Iko namwacha uhuru mwanamke kabisa kabisa. Racheter, c'est-à-dire, tu es complètement libéré de toute servitude. Frère, le salut, frère, éclaire tellement un homme que lui-même s'étonne de tous les pièges de l'ennemi. Croyez-vous cela? Tous les pièges de l'ennemi. Le salut, même quand tu es devant ton androïde, le salut te donne un discernement. À partir de ce jour, je ne me connecterai plus jamais sur ça. Ça non. Tu n'attendras pas que la prédication soit apportée. Non. Le salut donne le recouvrement de la vue. Ouvre les yeux. Donne la lumière. Donne le bon sens. C'est ce que fait le salut. Dieu qui l'a confié qu'on a fait. Rachetez de toute iniquité. Kombolewa toka uovu yote. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Uovu ni nini? C'est que tu sais que ce n'est pas bien. Manake ni kile unayua sema akina kizuri. Mais tu le fais quand même. Lakini hata vile unakitenda. Unayota kusema kusemelea banduku na badada ni vitu vibaya, mais unaifanya quand même. Tu sais calomnier les sœurs, c'est une mauvaise chose, mais tu le fais quand même. Ce que le salut. Jo okovu. Mais tu as été baptisé. Ni okovu kanile. Lakini tu as beaucoup d'années, tu as beaucoup d'années dans l'église. Na unesha fa miaka mingi mkanisa. Que fait le salut? Okovu kunafanya nini? Le salut t'apprend. Okovu inakufundisha. Écoutez. De racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Le salut t'apprend que toi tu appartiens, tu es un bien privé du Seigneur Jésus-Christ. Et tu t'en glorifies d'appartenir à Christ. Même ta pauvreté là ne te dit rien. Ce qui fait ta fierté, c'est d'être un homme, une femme, connu de Dieu na Mungu, et qui appartient à Dieu na mwenye kwa wa Mungu. C'est ce qui fait ta fierté. Joile kuna leta fieri kwako. Jérémie chapitre 9 verset, vous allez lire à la maison. Mutaisoma kumulango. Jérémie 9 verset 23 et 24. Jérémie 9 makumbi na tatu makumbi na ine. Quel sage ne se glorifie pas de sa sagesse? Wa hekima ashijitukuze juu ya hekima yake. Quel ne se glorifie pas de sa force? Mwenye kwa na nguvu ashijitukuze juu ya nguvu yake. Mais que celui qui veut se glorifie. Lakini ule anapenda se glorifie de me connaître moi le véritable Dieu. Ajitukuze vile ananijua mimi Mungu wa kweli. Wokovu. Fait que un homme. Unafanya mwanaume. Est fier seulement d'être chrétien. Na mwanamke apate kuwa na furaha paka ya kuwa Mkristo. Le salut fait ça. Okovu kunafanya vile. Le salut. Okovu. Te met en distinction. Inakuweka muachanisho. Même dans ta propre famille biologique. Hata mujamaa yako mwenyewe ya kimwili. Ils sauront que lui appartient à Christ. Batajua kwamba huyu yeye ni wa Kristo. Yeye ni mwanamke ni wa Kristo. Un peuple qui lui appartient. Taifa yenye kwa yake. Purifié par lui. Yenye kutakaswa, yenye kuoshwa nani. Le salut dans un homme. Wokovu ndani ya mtu. Rend son cœur pur. Inamfanya moyo wake uwe safi. Désire la pureté tout le temps. Atamanie paka usafi kila wakati. Dans ses pensées, avoir des pensées pures. Akuwe na mawazo safi. Des sentiments purs. Mania safi. Des intentions pures. Mania yote paka ya mzuri ya safi. Un salut qui vous laisse dans le désordre n'existe pas. Ce n'est pas le salut. Okovu ya kuacha katika maisha ya ovyo. Qui vous laisse avec des mauvais sentiments. Non, ce n'est pas le salut. Ya kukuacha na mania mbaya ila ina okovu. Soit vous ignorez encore le salut. Wala au yajua kwanza. Maintenant comprendez ce soir. Tangia magharibi ya leo upate kuelewa ya kwamba okovu. Dans un homme ou dans une femme, wana désire la pureté tout le temps. Tamani usafi kila wakati. Le salut okovu produit un zèle. Ikunatoa bidi. Un zèle. Inatoa bidi. Pour les bonnes choses. Dieu a kutenda bitu vizuri. Un zèle. Bidi ya pour bitu venir vizuri à l'église. Pawe kuyo kanisa. Tu es zélé pour venir à l'église. Tu es zélé pour prier. Tu es zélé pour les choses de Dieu. Tu es zélé pour méditer la parole. Tu es zélé pour avoir les prédications que tu as déjà manquées sur ton Android. Quel est ce salut, frère? Ni okovu ile nduku na dada. Qui vous laisse tranquille. Il est na kuacha tu kimya bila kufanya kitu. Quand il 13-16. Wakati saa ya kwenda kanisa inaenea. Quel est ce salut? Ni okovu kani ile dada. Qui vous laisse tranquille. Inakuacha tu msalama. Le dimanche quand il est déjà 8h. Siku ya yenga wakati saa inaenea kwenda ibada. Wako wenye. L'heure normale de venir au culte chaque mardi, mercredi et jeudi, vendredi. Wakati ya kawaida kwa kanisa kila kazi mbili tatu ine. C'est 17h. Ni saa ya 17h. Quel est ce salut? Il est né au Kofukani. Et le dimanche. Nasikwa yenga. c'est 9h30 ou 10h moins. 9h30 ou 10h moins. Laissez-nous produire un zèle dans un homme ou dans une femme. Mais ça lui fait ça. Tu dois aussi t'arrêter de dire, mon Dieu, quel est ce salut que je... Le salut révolte un homme et une femme. Ça révolte contre les mauvaises choses. Quand la parole est apportée, le salut se réveille. Et se révolte. Le salut fait prendre des décisions. Comme on a pris la décision pour se faire baptiser. L'homme ou la femme sauvée commence à vivre avec des décisions chaque jour. Ce qu'il ne connaissait pas, quand la connaissance vient, il prend une décision et il se range du côté de la connaissance. Parce que croire, c'est prendre pour position pour ce qui est vrai. Croire, c'est prendre position pour le véritable Dieu. Croire, c'est quitter les fausses choses et les mauvaises choses pour s'aligner dans les bonnes choses. Croire, c'est donner raison à Dieu et à sa parole. Que le Seigneur bénisse. C'est ce que fait le salut. Dans un homme ou dans une femme. Le salut donne la force de résister à Satan. Le salut. Frère. C'est-à-dire, chacun doit se dire, afoui au couvre ni kuna ni aje. Quel est ce salut que moi j'ai? Comment mon salut me laisse chaque jour arriver en retard à l'église? Là, mon akani au couvre yangu na ni aje. Quel est ce que le salut? Ni au couvre gani? C'est quel salut? Ni au couvre yana muna gani? Le salut quand il commence à approcher d'un cœur, Au couvre wakati na karibi ya moyo. Regardez la femme samaritaine. Kasama mwanamke quand Samaria. Elle a appris wakati alipata habari que l'homme ici peut me donner une eau vive. Ya kwamba huyu mtu anaweza kunipatia maji ya uzima. Elle a réagi, elle a dit. Ari tenka na kusema. Donne-moi de cette eau. Unipatie tu paka ile maji. Afin que je ne retourne plus ici. Ili nishirudie tena huku. À l'ancien système, à l'ancienne vie, donne-moi de cette eau-là. C'était quoi? Le salut commençait à courtiser son cœur. Et quand le salut est véritablement entré, frère, le salut produit une source dans cet homme ou dans cette femme. C'est ce que Jésus lui a dit. L'eau que je donne deviendra une source en toi jusque dans l'éternité. Quand le salut entre dans ton cœur, dans ton cœur, frère, ça devient, c'est une source qui ne supportera pas de mauvaises choses. Regardez comment naturellement les sources se comportent. Les sources sont en ébullition en tout moment. C'est en train de bouillir. Quel est le salut qui s'endort? Ça, c'est un puits cartésien. Mais une source de divine. Brûle. Brûle pour les choses pures. Brûle pour des pensées pures. Brûle pour des sentiments purs. Pour des choses saintes. C'est comme ça qu'agit le salut. Que le Seigneur bénisse. C'est comme je vous ai dit hier. Le salut apprend à cet homme ou à cette femme que j'appartiens à Christ. Ya kwamba mimi ni kwa Kristo. Moi, mimi, mes pensées, mawazo ya, mon corps, mwili yangu, mon esprit, roho yangu, tout ce que je suis, ile yote niko, j'appartiens à Christ. Niko wa Kristo. C'est Christ qui doit me dire ni Christ ce que je dois faire et où je dois aller. Ni Il rend l'homme ou la femme dépendant de Christ. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Ou parce que le bras de l'Éternel lui a été révélé. Voilà. Il a reconnu que Dieu m'a tendu la main. Même par la voix de la prédication, il reconnaît ça. Si tu as un coup d'angaria, n'est-ce pas bien? Examinons-nous nous-mêmes. Tu as un coup d'angaria? Examinons-nous. La nouvelle alliance d'Adam en Doku. C'est comme je l'ai dit, je crois, vendredi. Prenez Hébreu. Tu veux voir Hébrania? Hébreu. Hébreu 8. Ou Hébrania sur Amnan. Hébreu 8. Regardez le verset 11. C'est ce que j'avais pris vendredi. Personne n'enseignera plus son concitoyen ou sa soeur ou son frère. Ni personne son frère en disant connais le Seigneur. Tu n'auras pas de gendarmes et de policiers pour te dire Dada Ijipi kumufupi, frère ashkuna ke mpombe, frère ashkuna ke mtumbako, frère ashkala ke muntu ya IDPS. Connais le Seigneur. Dada, la jupe que tu portes est courte, mon frère, les frères ne courtisent pas les femmes. Et ça lui apprend quelqu'un, le véritable Dieu, qu'il faut respecter, qu'il faut honorer, en tout chose. Donne le salut donne un discernement. Connais le Seigneur. Venez à l'église. Les chrétiens ne s'absentent pas de la prière. Il est chez ton ange avec manivelle. Là, c'est un salut avec manivelle. C'est une chose faite de main d'homme. Et Dieu n'est pas engagé dans cette chose-là. Esaïe 55. Isaïe 55. Esaïe 55. Isaïe 55. Quand quelqu'un reçoit Christ, wakati mtu anampokea Kristo, et se fait baptiser, na atafanya baumbatize, reçoit sa parole, atapokea neno lake. Regardez Isaïe 55 ce qui est dit. Tazameni Isaïe 55. La parole produit des effets. Neno iko naleta matokeo. Quand la parole entre dans ton cœur, tu reçois vraiment la parole, frère. Wakati neno inaingia ndani mwako, nous sommes un peuple privilégié. Tuko watu wenye kuwa na mafaida. Nous avons été éclairés sur toute chose. Tuliangaziwa manukta yote. Sur le vrai évangile est prêché. Injili ya kweli inahubiriwa. La vraie doctrine est enseignée. La parole prophétique véritable est enseignée. Il n'y a rien qui nous échappe. C'est-à-dire, nous devons marcher de lumière en lumière. De connaissance en connaissance. D'expérience en expérience. Regardez Esaïe 55. Regardez le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Quand tu reçois Christ la parole, il y a des effets de la parole qui se produisent. Et regardez le verset 13. Au lieu de l'épine, Pas il fâche par quoi miba s'élèvera le cypre. Patalamuka. Muchi mulefusan. Apana yamib. Le cypre. Au lieu de la ronce, pas y a muchongoma. Croîtra le myrte. C'est un arbre qui produit un bon parfum. Pas il est fâché par quoi Mouti Amiba. Là où il y avait les ronces, la ronce. Pas il est fâché par quoi il y a un caractère compliqué. Là où il y avait un caractère compliqué. Pas il est fâché par quoi il y a une nature soucieuse et inquiète. Par quoi s'il y a. C'est un arbre qui produit une belle odeur, une belle arôme. Ah, okovu ni Mouti en yagule tarufu njema. Et ce sera pour l'Éternel une gloire. Tout le monde dira c'est vraiment Dieu qui a changé ses frères. C'est Dieu qui a fait ça. On reconnaîtra que ça c'est Dieu qui a fait ça. Ce sera pour l'Éternel une gloire. Un monument perpétuel et impérissable. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Tout le monde commencera à regarder, apprécier il mouchindwa. Les études l'ont échoué. Les parents l'ont échoué. Mais il n'y a que Dieu qui a fait ça. Toi-même tu peux t'arrêter et dire. Là où il y avait des épines, on va remarquer qu'il y a un arbre doux qui monte. Maintenant. Et l'arbre, le cypre, c'est un arbre très haut qui va très loin. Même de loin, on s'est remarqué ça. On s'est remarqué. Même à distance, on saura qu'il y a un grand arbre là-bas. Et on saura Batajua que ça c'est l'œuvre de l'Éternel. Ya kwamba hii ni kazi paka ya wamilele. Là où il y avait le tribalisme. Pale par quoi ubaguzi ya kikabila. Parce que c'est un arbre des épines. Juni muti ya miba. Kasayen katange. Ce sont des épines. Ni mamiba. Ça ne fait que piquer les gens. C'est un arbre des épines. Ni muti ya miba. Il n'y a que ça. Ce sont des épines. Mais quand le salut vient, quand la parole vient, un arbre du monde. Il monte. Et tout le monde se dira, oh, ça c'est un monument. Perpétuel. Impérissable. Yasibu Arabika. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Mujulise. Nena. Pose-toi la question, c'est quel genre du salut? Ni neno ni mujumbe kani miriami. C'est quel genre de message à qui? Nous levons tous. J'écris. Tout à si mama si tu vois. J'entends ta douce voix, Jésus. Je viens à toi. Je viens pour sauver, lave-moi dans le sang de ta croix, Jésus. Prions tous ensemble.